130 livres, chronique du 26 février 2019, le Cherokee, Richard Morgiev. Laurent Chalumeau a le bon goût de dispenser ses conseils de lecture sur Facebook. C'est ciselé et c'est Chalumeau, alors on lit et on prend des notes. Et quand le daron dit du bien d'un roman noir qui parle d'esthètes, là c'est pas bien compliqué, on achète le bouquin. En l'occurrence, j'ai couru chercher le Cherokee de Richard Morgiev. Ça sonne français, Morgiev, parce que le monsieur l'est. Mais il doit avoir de la sauce Ewan dans les veines parce que son livre est plus ricain qu'un fumoir à viande qui aurait voté Trump. Au point, comme le dit Chalumeau, d'être écrit dans ce qui semble parfois être une approximative, donc subtile, traduction de l'anglais au français. Vous suivez ? La langue de Morgiev proscrit le passé simple. Son frustre cousin le composé est hégémonique. Il faut admettre que l'effet surprend. L'auteur force sur la métaphore et la comparaison de gros calibres. Son Smith & Wesson 44 Magnum, le revolver prévu pour stopper un dinosaure. Voire... fichu cigare qui ressemblait à un étron de porc séché et peint en noir. Il y a des blagues récurrentes aussi que se racontent des piliers de bar azimutés dans les rades de l'Ouest profond qui se ressemblent tous, ou que le personnage principal se répète à lui-même lorsqu'il réfléchit. Comme il se redit souvent par la voix du narrateur qui le suit en permanence, ce que le vrai enquêteur fait ou ne fait pas, voire n'est pas ou est. L'enquêteur, c'était forcément un gars qui était fasciné par le crime. Forcément un gars que le crime avait titillé. Voir un gars qui avait une fois ou deux aidé un gars à passer la main. Sans parler de l'enquêteur qui avait été décoré pour avoir bousillé tout un paquet de pauvres types sous le prétexte que c'était la guerre. L'enquêteur et le crime marchaient main dans la main. Ils avaient des besoins semblables. Ce héros-là, c'est Nick Corey. Un type passe-partout. Il avait tout du caméléon. On le mettait sur une chaise électrique. Il ressemblait à un condamné à mort. On le mettait dans un bosquet de chêne rouge au feuillage en train de virer au lit de vin. On le prenait pour un gland. Vaguement une gueule d'apache. Un gars mal écarri avec des grosses mains et un gros nez. Corey est venu s'enterrer au tréfonds de l'Utah, là où un candidat au poste de shérif a peu de concurrence. Comme de juste, le shérif Corey fuit un passé plus sombre que l'espoir en la gauche. Un psychopathe a massacré ses parents, on l'en a accusé, et il eut droit en tôle, incarcéré tout gamin, au menu gastronomique avec trous normands et farandole des desserts. Puis à une nouvelle ration de tripes fumantes, vers Guadalcanal cette fois. Depuis, l'ancien G.I. Corey s'est joué du 45, a connu un amour raté et veut voir le même jet revenir se poser chaque matin sur l'appui de sa fenêtre. C'est-à-dire la paix au milieu des ploucs et à l'ancienne. Le bitume recouvrirait toutes les traces, tous les souvenirs, les parfums. On préparait le monde du rock'n'roll. Corey espérait son Éden dans une enclave, si possible loin du goudron et d'Elvis. Il ne militait pas contre les guitares électriques, mais il aimait trop le bruit du vent. Question paix, il va être servi. Un bombardier de l'US Air Force se pose, apparemment sans pilote, dans sa juridiction. On l'a délesté d'une bombinette qui vaut ses 14 000 tonnes de TNT. Alors que tout le FBI et le Pentagone semblent se téléporter dans son bled paumé, Corey a aussi la méchante impression que le dindon est de retour dans les parages. Pas l'oiseau galliforme de la famille des Phasianidés, non, mais la crevure très joueuse qui a tué ses parents. En somme, deux putains de sacs de nœuds dont on peine avec lui à deviner où ils se rejoignent. De quoi sortir Nick Corey de sa torpeur provinciale et dérouiller ses talents de fin limier et flingueur de compète. De là, laisser aller, c'est un jazz. Incessante rupture de rythme, impression d'un chaos de coïncidence alors que les indices sont partout, alternance entre contemplation bucolique et accélération gore, glissement permanent de digressions décalées dans les deux pistes qui s'entrelacent, état d'âme et inattendu hissage de pavillon d'un shérif qui se croyait impuissant et se découvre inverti, le tout avec ce qu'il faut d'ellipse pour vous laisser relier les points tout seul, comme des grands. Le Cherokee n'est pas un patch-turner dans l'acception classique du terme. C'est un instrument qu'on lâche et qu'on reprend, une partition dont on joue soi-même l'une des lignes, plus proche de White Jazz justement que du Dahlia Noir s'il faut oser la comparaison elroyenne pour la narration. On est surtout en plein hommage à Jim Thompson et Cormac McCarthy, comme l'a justement pointé Chalumeau Sensei, un mélange de ruralité brutale et de tension névrotique omniprésente, où perce parfois une beauté lyrique et impromptue. Débrouillez-vous avec ce qui précède. Enfin merde, quoi. Extrait. Un coyote s'est arrêté au milieu de la route qui traversait le bled fantôme. Le feu rouge qu'il surplombait l'éclairait. Il était fixé à un câble à 4 mètres au-dessus de la route. Ce feu rouge oublié par l'administration contrariait l'idée de la narration calme d'une fin de journée dans un coin dont tout le monde se fichait, mis à l'écart, oublié. Pourquoi ce feu rouge sans aucune valeur en prenait-il une très grande, folle? Pourquoi ce feu rouge changeait-il tout dans ce qu'on pouvait penser de cette ville fantôme? L'enquêteur devait se pencher là-dessus, sur sa propension à accorder à des détails une importance transcendantale. Mais ce feu rouge élevait Corey, c'était sûr. Lui permettait de vivre la triste beauté de la condition humaine, son absurdité symphonique. C'était si beau ce feu rouge, son embalancement, le coyote dessous, la ville déserte, ce silence, le mystère. C'était ça, vivre sûrement. Recevoir des informations, les transformer en impressions, émotions. Il ne fallait pas s'emballer. Un fer à repasser pouvait faire pleurer, pourquoi pas. D'ici à prendre une douche avec lui, dormir avec lui, fumer une clope avec lui. Tout ça était velu et compliqué, et si à la place du feu rouge, il y avait eu une cocotte minute, Corée n'aurait pas manqué de se faire mordre par le crotal. À l'instant où il projetait sa tête en avant pour tuer Corée, Corée l'a attrapé à la gorge et lui a envoyé de la fumée dans le nez. Il a fini par le jeter comme une peau de banane et a continué d'épier le bled fantôme. Sans être bien certain d'avoir tout entravé au Cherokee, sauf que c'était sans doute furieusement intentionnel, je serais un foutu de dire quoi que ce soit de mal de ce bouquin.